Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine de la Fabrique de l'Histoire, consacrée à une période assez mal connue de notre histoire, celle de Louis-Philippe, après avoir lundi visité en compagnie de Pierre Nora les galeries historiques de Versailles, qui se voulait un musée de l'histoire de France, donc voulu par Louis-Philippe. Puis hier, visité la colonie sociétaire de Condé-sur-Vègre, dans un documentaire d'Olivier Chomène et de Renaud Dalmar, que vous pouvez réécouter sur notre site à la page de la Fabrique de l'Histoire, sur franceculture.fr. Et avant demain de nous intéresser à ce régime, qu'était ce régime de Louis-Philippe, nous allons ce matin parler goguettes, caveaux et autres lieux de sociabilité de la chanson dans la première moitié du 19e siècle. Nous le ferons avec Perrine Kervran, qui a préparé cette émission avec nous, et avec deux historiennes et historiens, Sophie-Anne Leterrier, elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Artois, et elle vient d'écrire un Béranger, des chansons pour un peuple citoyen, publié aux presses universitaires de Rennes, ainsi que Philippe Dariula, il est auteur de La Muse du Peuple, chansons politiques et sociales en France, 1815-1871, publié lui aussi aux presses universitaires de Rennes. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous donc, deux auteurs, deux interprètes plutôt, de ces œuvres de Béranger, donc la chanteuse Judith Fage et le violiste Maxou Heinzen. Nous redécouvrirons donc ici en direct Vieux habits, vieux soldats, La Faridondaine, un titre de 1820, ou encore le très joyeux Les Vendanges, chanson poétique et politique. C'est au programme ce matin de la Fabrique de l'Histoire jusqu'à 10h. Bonjour Perrine, bonjour donc à vous Philippe Dariula, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous Sophie-Anne Leterrier. Bonjour. On vous connaît comme historienne des historiens, pourrait-on dire, puisque vous avez écrit il y a quelques années de cela un très beau livre sur le 19e siècle historien, qui étaient ces gens dont nous parlions d'ailleurs lundi avec Pierre Nora du côté de la galerie historique de Versailles. Donc, qui étaient ces gens qui avaient donc conçu l'histoire de France dans cette première moitié du 19e siècle? Vous avez beaucoup travaillé autour de ce sujet-là. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Béranger? Il y avait déjà une très grande thèse qui datait de 1968, la thèse de Touchard, donc sur Béranger, qui le voyait comme un auteur politique. Pourquoi êtes-vous allé sur ces brisées-là, alors que cette thèse était déjà immense, un peu respectée, etc., Sophie-Anne Leterrier? Oui, vous avez raison, immense et respectée à juste titre. J'y suis allée parce que, en lisant la thèse de Jean Touchard, je me suis rendu compte avec grande surprise que la dimension proprement chansonnière de l'œuvre de Béranger était vraiment pas du tout l'important dans le travail de Touchard. Touchard fait une biographie très détaillée de Béranger. Il parle surtout de sa place dans les réseaux libéraux et dans le milieu politique qui est le sien. Il parle aussi de ses amitiés, de ses compagnonnages avec des hommes de lettres ou avec des artistes. Mais il s'est pas du tout intéressé à la composition de ses chansons, à l'aspect musical de ses chansons. Donc je me suis dit que c'était là-dessus, sans doute, qu'il restait quelque chose à faire. Il ne s'agissait pas du tout de refaire Touchard. Ce qu'il a fait est très bien et toujours extrêmement utile, mais de le compléter d'une certaine façon. Alors, chacun d'entre nous a son petit Béranger portatif, d'une certaine façon. Votre Béranger, c'est qui alors? Il naît quand? Il est qui? Et pourquoi vous intéressez-vous à lui? Je ne me suis pas tellement intéressée au personnage. Hein. Comme je viens de le dire, je me suis vraiment intéressée à ses chansons. Donc, mon Béranger, c'est le même que celui des dictionnaires. Je veux dire. Il est né en 1780. Il est toujours né en 1780. Voilà. Il est toujours mort en 1857. Donc, c'est un vieux bonhomme, déjà pendant la monarchie de Juillet. C'est quelqu'un dont la gloire est déjà très assise pendant la monarchie de Juillet. Et c'est quelqu'un qui, en plus, ne publie quasiment plus pendant la monarchie de Juillet, puisqu'il publie un seul recueil pendant cette période. Et tout le reste, ensuite, sera publié de façon posthume. Il a passé un accord avec son éditeur pour que ce soit le cas. Donc, c'est vraiment assez mystérieux, puisque c'est vraiment la vedette de la chanson. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se tait pendant la monarchie de Juillet. Et votre Béranger à vous, Philippe Dariula, c'est qui? Un modèle. Un modèle de quoi? Un modèle pour tous les chansonniers, bon, pas pour moi. Hein. Ouais. Non, pour tous les chansonniers de l'époque. Béranger, c'est vraiment la figure de tout le monde des chansonniers qui commence à se constituer, à s'organiser. Tous veulent avoir une recommandation de Béranger. Ce qu'on s'amuse à regarder, par exemple, dans la Bibliothèque nationale, le nombre d'ouvrages de chansonniers qui publient en introduction une préface de Béranger, une lettre de Béranger à l'auteur, pour pour signifier... Pour prendre une petite partie de la gloire de Béranger, pour c'est ça. Voilà, et puis pour se faire connaître. C'est une forme de reconnaissance. Si Béranger nous soutient, c'est que vraiment, ce sont des belles chansons qu'on a faites. C'est vraiment le personnage clé pour tout le petit monde des chansonniers, je crois, à cette époque. Périne Caron. Oui, puis dans votre livre, Sofiane Le Terrier, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à travers Béranger et à travers ses chansons, c'est plutôt... Enfin, vous faites plutôt le portrait d'une société, de la manière dont les chansons se diffusent, de la manière dont on utilise Béranger, dont on le revendique, et de la manière dont ces chansons peuvent circuler dans tous les milieux en fonction des circonstances. Mais oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas en partant de l'idée que Béranger était une référence pour tout le monde, mais qu'en fait les gens ne chantaient pas les mêmes chansons, n'appréciaient pas les mêmes répertoires. Il y avait quoi comme type de répertoire chez Béranger, par exemple? Il y a tous les répertoires, comme chez les autres chansonniers d'ailleurs. Ce qui caractérise la chanson de Goguette et de Caveau, c'est l'éclectisme, c'est la variété. Donc il y a des chansons à boire, il y a des chansons d'amour, il y a des chansons politiques. Les chansons politiques ne sont qu'une partie minoritaire du répertoire, même chez Béranger. C'est 10% de celles qu'il a écrites, mais c'est bien sûr les plus notoires. Donc les chansons... La chanson, c'est vraiment un objet transfuge, c'est un objet assez difficile à saisir et c'est ça qui m'a intéressé de la suivre dans ses parcours difficiles d'ailleurs. Généralement négligé, dites-vous, par l'histoire littéraire d'un côté et de l'autre côté par l'histoire musicale. Pas négligé, mais abordé avec un angle restrictif puisque par exemple l'étude du contenu des textes ou de la forme des textes, elle est bien faite par l'histoire littéraire. Jean Touchard lui-même venait de là. La musique moins, mais ou alors par d'autres collègues, les musicologues ont travaillé sur le répertoire de la chanson traditionnelle. Ils ont travaillé aussi sur le répertoire du vaudeville ou de l'opéra comique qui sont utilisés pour les chansons de Béranger, qui lui donnent des timbres. Ils n'ont pas, sauf rare exception, un petit chapitre de ci de là, travaillé sur les chansons de Béranger en elles-mêmes. Philippe Darjulin, surtout que d'une certaine façon, Béranger ayant été récupéré lors de sa mort par le régime impérial, on a ensuite eu une seule vision de ce Béranger, celui qui avait chanté la gloire de Napoléon. Or, ce que nous explique très bien Sophie Anne Le Terrier, c'est que au bout du compte, il y avait bien d'autres choses dans cette œuvre, en l'occurrence. Oui, d'abord, y compris son rôle dans la mémoire bonapartiste, il est très fort. On pense bien sûr à la chanson Les Souvenirs du Peuple. Lui aussi, il peut être revu, puisque un de ses premiers grands succès, c'est Le Roi d'Yvetot, qui nous raconte l'histoire d'un bon petit roi. C'est en 1813, parle sous le contrôle de Sophie Anne Le Terrier, donc c'est pour l'Empire. Un bon petit roi avec un bonnet de coton, qui est bien sympathique, s'entend bien avec ses voisins, enfin l'anti-Napoléon, et qui est tellement sympathique qu'évidemment, ce petit roi d'Yvetot, c'est autant de pierres dans le jardin de Napoléon que fait... Et puis, je pense aussi, dans la mémoire, et ça, on a eu l'occasion, je crois déjà, de le dire, c'est, on retrouve ça chez Balzac. Quand il nous fait la mémoire, quand il nous parle de la mémoire de Napoléon Béranger, comme Balzac dans Le Médecin de campagne. Finalement, dans Colonel Chabert. Exactement. Il ne parle pas, plutôt dans Le Médecin de campagne, à ce que je pense. Il ne parle pas tellement de Napoléon lui-même, mais de comment la mémoire de Napoléon vit dans le peuple. Le vrai héros des chansons de Béranger, c'est le peuple. Et tout, si Béranger a eu tant de succès, je parlais du succès auprès des autres chansonniers, mais aussi auprès de tous les grands écrivains reconnus, les Victor Hugo, les Chateaubriand, tous ces gens-là fréquentés, aimaient Béranger, c'est parce qu'ils le vivaient comme celui qui leur permettait de comprendre et presque d'entrer, d'avoir un contact avec ce peuple qui les fascinait. C'est pour cela que donc, vous avez sous-titré votre ouvrage, Béranger, des chansons pour un peuple citoyen, Sophie Anne Le Terrier. Oui, c'est pour ça, parce que une de mes hypothèses, c'est qu'effectivement, il a rénové la chanson pour la société post-révolutionnaire, pour la société qui avait besoin justement de chansons autres que chansons à boire, qui avait besoin de chansons infusées de valeurs nouvelles. Alors c'est bien de parler de chansons, mais il faut aussi en entendre. Donc on a la chance, grâce à vous, d'avoir auprès de nous donc Judith Fage et Maxou Heinzen, qui sont venus pour nous enchanter donc quelques-unes de ces chansons donc de Béranger. Vous nous présentez « Vieux habits, vieux galons » ou « Réflexion morale et politique d'un marchand d'habits de la capitale ». Novembre 1814, Sophie Anne Le Terrier. Alors c'est une chanson qui met en scène donc un chiffonnier qui donc un personnage extrêmement populaire qui va récupérer les vieux habits et les revend. Et donc cette chanson est aussi aussi une chanson symbolique sur le changement de régime, puisque à chaque nouveau régime, on change de livrée, on change de costume. Et donc, c'est une chanson qui est pleine d'ironie à l'égard de ces gens qui, en 1814, puis à nouveau au moment des 100 jours, puis à nouveau en 1815, après Waterloo, changent d'habit et retournent leur veste, on pourrait dire. Absolument, c'est ça, la République des girouettes. En l'occurrence, ça n'est pas une république, mais l'Empire ou le Royaume des girouettes. On écoute tout de suite Judith Fage et Max Weinstein. Marchands d'habits que nous sommes, messieurs, nous observons les hommes. D'un bout du monde à l'autre bout, l'habit fait tout, l'habit fait tout. Dans les changements qui surviennent, les dépouilles nous appartiennent. Toujours en grand, nous calculons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Parfois, en lisant la gazette, comme tant d'autres, je regrette que tout Français n'ait pas gardé l'habit brodé, l'habit brodé. Mais j'en crois ceux qui s'y connaissent, les anciens préjugés renaissent. On va quitter les pantalons, vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Les modes et la politique, on s'en foit remplit ma boutique. Combien on doit à leurs travaux d'habits nouveaux, d'habits nouveaux. Quand de nos déesses civiques, on met en oubli les tuniques, aux passants nous les rappelons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Un temps fameux par 100 batailles, du galon sur bien des tailles, de galons même étaient couverts, les habits verts, les habits verts. Mais sans le bonheur, point de gloire, nous seuls après chaque victoire, nous avons ce que nous voulons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Nous trouvons aussi notre compte, avec tous les gens qui sans honte savent dans un retour subi, changer d'habit, changer d'habit. Les valets, troupes chamarrées, troquant aujourd'hui leur livrée, que d'habits bleus nous étalons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Les défenseurs de nos grands-pères, sortant de leurs nobles repères, reprennent enfin à leur tour l'habit de cour, l'habit de cour. Chez nous, retrouvant leurs costumes, avec talons rouges et plumes, ils vont régner dans les salons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Sans nul égard pour nos scrupules, si la foule des incrédules mit au nombre de ces larcins l'habit des saints, l'habit des saints. Au nez de plus d'un philosophe, je vais en revendre l'étoffe, de piété nous redoublons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Longtemps vanté dans chaque ouvrage, des grands qu'aujourd'hui l'on outrage, portent au fond de l'armoire noire des habits noirs, des habits noirs. Mais grâce à nous vont reparaître ces manteaux que même peut-être trouvaient bien pesants et bien longs. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. De m'enrichir, j'ai l'assurance, on fêtera toujours en France, en ville, au théâtre, à la cour, l'habit du jour, l'habit du jour. J'en vêtu d'or et d'écarlate, pendant un mois chacun vous flatte, puis à vos portes nous allons. Vieux habits, vieux galons, vieux habits, vieux galons. Vieux habits, vieux galons. Merci donc à vous, Judith Fage et Max Weinstein. On vous retrouvera deux autres fois dans cette émission. Alors, on voit bien effectivement que peut-être Jacques Dutronc n'avait-il pas lu effectivement pour l'opportunisme, mais c'est à peu près la même chose, effectivement. Et je pense que c'est Jacques Lanzmann qui a dû lui écrire l'opportuniste. Il aurait dû lire effectivement Béranger pour montrer la pérennité de ce type d'attitude politique. Philippe Dariula, qu'est-ce qu'on peut dire d'un texte comme celui-ci donc, et en quoi est-il caractéristique d'une certaine chanson politique sur laquelle vous avez travaillé pendant ce 19e siècle? La revendication de l'impertinence, d'abord, bien évidemment. De ce point de vue, finalement, il n'y a pas grand-chose de neuf au 19e siècle. L'idée que la chanson, c'est un média populaire, c'est quelque chose qui plaît dans le peuple, qui est identifié au peuple, l'idée qu'elle peut être porteuse d'une parole impertinente, d'une parole un peu frondeuse, n'est pas quelque chose de nouveau, finalement. Mmh. En pensant à Beaumarchais, au mariage de Figaro, à la fin, tout finit par des chansons, nous dit-on. Ce qui est neuf, qui commence à devenir neuf, c'est que dans un espace public qui commence à se structurer, cette parole chansonnière est associée, à tort ou à raison, à une parole politique, à une parole partisane, associée à un parti politique au sens où on l'entendait, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais disons ce qu'on appellerait nous aujourd'hui une opinion politique, qui peut être ici bonapartiste, ici républicaine. Et Béranger, justement, lui, a toujours essayé, je crois que Sofiane Le Terrier le montre bien, à la fois, ce que disait Touchard, quand il l'insérait dans des réseaux, mais a toujours essayé aussi de préserver une forme d'indépendance de sa parole. A toujours refusé d'être totalement associé à ces réseaux. Et c'est, je crois, que l'émergence d'une parole qui est à la fois une parole politique, mais qui veut qu'une parole qui garde sa spécificité. Et c'est en voulant garder cette spécificité qu'il trouve sa force et qu'il trouve son écho. Et Sofiane Le Terrier, je disais parole politique et parole poétique, parce qu'il y a aussi cette dimension de la belle écriture, de la volonté de bien écrire et de ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est une chanson, justement, chez Béranger. Oui, ça fait partie de la rénovation. Ça fait partie de l'idée que le peuple est susceptible aussi de comprendre et de ressentir autre chose que des grossièretés. Il y a quand même une idée que la poésie est propre à porter ce message nouveau et ne doit pas être laissée au discours des loges officielles et finalement au parti gouvernemental. Il y a l'idée que la chanson va permettre d'élever le peuple à la poésie et propose une poésie pour le peuple. Périne Caron. Et alors, quand on entend cette chanson, Sofiane Le Terrier, comment est-ce qu'elle est diffusée? Comment est-ce qu'elle vient aux oreilles des gens? Comment est-ce que Béranger la fait venir? Elle rentre dans les salons? Elle va dans la rue? Comment ça se passe exactement, la diffusion d'une chanson c'est de ce très, genre? Il y a énormément de canaux différents, puisque la chanson existe sous des formes différentes. Donc, il y a une circulation orale qui passe par les colporteurs, qui passe par les chansonniers qui sont dans les rues des grandes villes ou sur les foires. Il y a une circulation manuscrite qui passe par le courrier, qui passe aussi par la clandestinité, par des envois donc, dont les opérateurs essayent de rester cachés. Et puis ensuite, il y a les recueils, donc il y a une version éditée. Donc il y a différentes formes et chacune de ces formes a son public et ses modes particuliers. Et, oui, mais la première fois, par exemple, j'imagine, il y a toujours une première fois. C'est-à-dire que cette chanson, est-ce qu'elle est d'abord chantée par Béranger lui-même dans un endroit précis, plutôt dans, je sais pas, plutôt dans une salle de spectacle, plutôt comment ça démarre une chanson comme ça? Béranger a chanté lui-même ses chansons dans des réunions amicales très peu de temps, seulement quelques années au tout début de la Restauration. À partir de 1818, lui-même, il chante pour lui-même, mais en tout cas, pas du tout dans des cercles. Et d'ailleurs, il fuit assez généralement les cercles. Le caveau a été un moyen pour lui de se faire connaître. Le caveau, expliquez ce qu'est le caveau, justement, à ce moment-là. Je vais peut-être laisser parler mon voisin sur le caveau. Oh, le caveau, c'est donc, là aussi, c'est une société chantante. Ouais. Qui date du XVIIIe siècle, qui s'est développée au début du XVIIIe siècle, qui a continué au XIXe siècle, et c'est une société qu'on la qualifie généralement de bourgeoise, faute de mieux, parce qu'il fallait avoir un certain revenu pour y aller, puisqu'on se réunissait dans un restaurant assez cher. On chantait, chacun arrivait avec sa chanson. C'était des chansons où on célébrait la bonne chère, un peu de grivoiserie, un esprit qu'on commence à qualifier de français à ce moment-là. Esprit gaulois. Et qu'on appellerait peut-être franchouillard plus tard. Voilà. On appellera un peu, voilà, c'était un peu ça. Et ça a eu... Alors, ce caveau existait, mais ce qui se passe justement aussi au XIXe siècle, c'est que petit à petit, par différents biais, les chansons qui étaient jusqu'à présent les chansons d'un petit cénacle, beaucoup d'acteurs du vaudeville là-dedans, se mettent à être diffusées, parce qu'il y a les progrès progrès de l'imprimé et parce qu'il y a les progrès des migrations de population. Mm-hmm. On parlait de Béranger là tout à l'heure, par exemple. J'ai tout de suite un exemple en tête qu'on pourrait donner, c'est Martin Nadaud. Martin Nadaud, dont tout le monde connaît. Maçon de la Creuse. Voilà, le maçon de la Creuse. Donc, devenu député à la fin de voilà. sa vie. Donc, ce qui raconte Léonard Maçon de la Creuse, son père, les voyages qu'il a repris lui aussi, hein, des migrations temporaires à Paris des maçons, eh ben, il raconte hein, comment son père avait ramené justement dans ses voyages à Paris des chansons de Béranger au village et qu'on les chantait à la veillée. Il raconte ça dans... Le père de Nadaud avait travaillé pour des généraux de Napoléon. Et donc, il était lui-même très bonapartiste et au veillé. Il avait appris à ses enfants à chanter certaines de ses chansons et il en gueulait lui-même un certain nombre, dont les Hirondelles en particulier. Et on voit bien l'influence des migrations. Là. Max Touensel, bonjour. On vous a entendu, mais pas votre voix en l'occurrence. Vous êtes donc viéliste. Comment en vient-on à recomposer ces musiques-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour justement se dire c'est à peu près comme cela qu'on interprétait les chansons de Béranger entre 1818 ou 1820 et 1850, 1860 en l'occurrence? Alors, la question est complexe. On interprète. Tout est dans le mot. Bien sûr. La musique, ce qui est très important à faire comprendre aux gens par rapport à la notion de chanson aujourd'hui, c'est que la musique est préexistante, on compose sur des timbres. C'est-à-dire, ce sont donc des mélodies préexistantes. Préexistantes, voilà, c'est ça. Et donc, toute personne qui a un sens de la prosodie normale pour une société éduquée peut composer des paroles nouvelles sur les mélodies. Alors, il y a parfois quelques petits problèmes parce qu'on se rend compte qu'on a un texte très... qui raconte une histoire à un endroit où dans la version originale on a une ritournelle qui ne veut rien dire. Donc parfois, avec Judith, on a eu le problème où elle raconte quelque chose, donc interprète vraiment, alors que dans l'original c'est tralalalalaire et donc ça ne veut rien dire. Donc parfois il y a des petits hiatus entre la musique et les paroles. Mais ce qui explique la diffusion, il y a qu'à connaître les paroles et ensuite tout le monde, les musiques sont connues de tous également. Et ces timbres, en l'occurrence Sofiane Le Terrier ou Philippe Darulin, se renouvellent tout de même. Ça n'est pas le même répertoire et le même réservoir de timbres et de musique qui est utilisé tout au long du 19e siècle. Vous expliquez bien une respiration, par exemple, entre le vaudeville, donc l'ancêtre d'un certain music hall peut-être parfois, donc avec la rue, c'est-à-dire comment certains airs créés pour le vaudeville, pour le théâtre de vaudeville, redescendent dans la rue et redeviennent donc des supports à chansons nouvelles, en l'occurrence, Sofiane Le Terrier. Oui, bien sûr, le répertoire se renouvelle de génération en génération. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle, au bout d'un moment, les chansons de Béranger ne sont plus chantées et tombent un peu dans l'oubli. Mais quand on regarde le répertoire de musique que lui, il a utilisé, c'est beaucoup des airs de la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est des airs, effectivement, qui viennent du théâtre, essentiellement. Quelques chansons traditionnelles qu'on connaît d'ailleurs encore aujourd'hui, l'air de Malbrouck, par exemple. Et puis, sur les chansons de Béranger qui avaient du succès, après, des compositeurs ont écrit des musiques nouvelles. Donc, le répertoire de chansons connues de tous, déjà au début du siècle, est très important. Il est déjà de plusieurs centaines de mélodies. C'est celles qui sont rassemblées dans la Clé du Caveau, dont la première édition date de 1811. Et puis, d'édition en édition, on atteint plusieurs milliers de mélodies. Donc, en fait, les strates se superposent et certaines chansons disparaissent, mais d'autres restent. Périne Caron. Et comment est-ce qu'on explique le succès de cette culture de la chanson à cette époque-là? Alors, est-ce que c'est lié à la queue de comète de la Révolution? Comment est-ce que la chanson a pris finalement une telle place dans la société à ce moment-là? Dans toutes les classes sociales, en plus. C'est difficile de vous répondre, parce que je pense que déjà au XVIIIe siècle, la chanson avait vraiment une place énorme dans la société, dans tous les milieux, avec des répertoires un peu mixtes d'ailleurs. Ce qui change effectivement, c'est que la chanson engagée prend une place nouvelle après la Révolution. Philippe Darulin. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. En fait, ce n'est pas neuf que la chanson est très présente dans l'espace public en France. Ce qui est peut-être neuf au XIXe siècle, quand je dis le XIXe siècle, il faudrait sans doute dater de la Révolution française. Hein. Le faire commencer, ce qui n'est pas très académique, mais acceptons-le. Ce qui est neuf, c'est que les modèles qu'elle diffuse se nationalisent. C'est ça qui est neuf. Précédemment, il y avait une très grande présence de la chanson, mais la chanson s'adressait essentiellement à des sociabilités interpersonnelles, à des communautés, où les gens vivaient dans des relations interpersonnelles. Petit à petit, les modèles, les formes de diffusion, elles deviennent nationales. On invente à ce moment-là. Et ce n'est pas un hasard. Si Béranger, qui est le grand chansonnier, la référence de tous les chansonniers, celui que regardent, y compris d'ailleurs tous les hommes de lettres, comment on le surnomme ? On ne le surnomme pas le chansonnier, on le surnomme le poète national. Mmh. Alors on pourrait en parler longtemps, parce que national, ça veut dire aussi, c'est la référence du peuple. Mais c'est bien au peuple. Mais c'est bien cette idée qu'il y a une nationalisation des modèles, qu'il y a une chanson qui se diffuse maintenant à une autre échelle, et qui appelle à d'autres sociabilités et d'autres relations. Dites-nous un petit mot, vous étiez venu il y a quelques jours à l'occasion d'un colloque, nous en parlait déjà Philippe Darnulla, de ce qu'étaient ces goguettes, puisque c'est au cœur de la chanson qui va venir, oui, qu'on va entendre, la Faridondaine. C'est quoi ces goguettes qui sont ces lieux justement de sociabilité? Alors faisons très simple en deux mots, disons que c'est une sorte de caveau démocratique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une société fermée de quelques personnes qui se réunissent pouvant se payer un bon repas, c'est des sociétés chez les marchands de vin. Ce qu'on appelle un marchand de vin, c'est un café très populaire, on dirait aujourd'hui, pour faire simple, où les gens se retrouvent, n'importe qui peut entrer pour le prix d'un verre de vin, et tout le monde arrive, des gens de tous les milieux sociaux, mais essentiellement de milieux populaires, presque exclusivement même, et font, comme au caveau, proposent des chansons de leur cru. Toujours, ça vient de nous être expliqué, sur des timbres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de culture musicale pour aller aux goguettes, mais on a, pendant la monarchie de Juillet, d'après les estimations, jusqu'à 400 goguettes qui se réunissent toutes les semaines, donc plusieurs milliers de chansons. 400 goguettes, oui, pendant la monarchie de Juillet. Certaines qui ont eu le sommet. Mais c'est le plus grand moment. C'est pour Paris, c'est juste pour Paris. Pour Paris. Alors, pour Paris d'aujourd'hui, oui, je dirais pour Paris et sa banlieue pré-haussmannienne, ouais, puisque vous savez, il y en avait par exemple pas mal à Belleville, etc. Ouais. C'était pas Paris à l'époque. Pour Paris, dans ses frontières actuelles, on est dans ces 400 goguettes, c'est-à-dire plusieurs milliers de chansons courtes, faites sur des airs, présentées chaque semaine, dont évidemment une immense partie a disparu, il nous en reste, et on peut ainsi avoir une bonne opinion de ce qui pouvait y être chanté, aussi des témoignages, et c'était une extraordinaire sociabilité populaire, chansonnière, productrice de chansons, peut-être le premier spectacle de chansons, avec la particularité, remarquez, que ce premier spectacle de chansons qui existait à Paris, il n'y avait pas de séparation entre le public et le chanteur. Mmh. C'était comme une chorale, quoi. Une chorale, on chante tous ensemble. Ouais. On chantait chacun à la place. C'était une société, chacun à son tour, pardon. C'était une société chantante. Oui, on appelle un slam aujourd'hui. Voilà, un concours de slam aujourd'hui. Un concours de slam. Oui, puis ce qui est important, c'est qu'effectivement, on ne chantait pas des chansons qui étaient déjà écrites. On écrivait soi-même une chanson. Oui. C'était sa propre composition qu'on apportait à ses propres mots. Chacun arrivait avec son propre petit poème, forcément, en fait. On pouvait quand même aussi chanter des chansons de Béranger ou d'autres. Oui, mais l'orgueil du goguettier, tous les témoignages nous montrent, l'ouvrier qui passe la semaine à essayer de composer ces quelques vers. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'aspiration à la reconnaissance que ça veut dire. Enfin bon, on pourrait en parler extrêmement longtemps. En tout cas, et c'est pour introduire, si on me permet en deux mots, la chanson qui va merveilleuse de Béranger qu'on va nous interpréter, c'est qu'on y entendait des choses dans ces chansons. Alors on y chantait un peu de grivoiserie, un peu plein de choses, mais de temps en temps on disait un peu de gloire nationale avec la mémoire de Napoléon, un peu d'idées libérales. Enfin, résultat, quand le duc de Berry, donc l'héritier des Bourbons, est assassiné en 1820, et ben quelques mois après, il y a une circulaire du préfet de police, qui s'appelle Anglès, qui ordonne aux maires et aux commissaires de police de dissoudre toutes ces goguettes à Paris en 1820. Et c'est pour se moquer, avec une verve tout à fait amusante, de ce circulaire du préfet de police que Béranger a écrit la Faridondaine. La Faridondaine ou la conspiration des chansons, instruction ajoutée à la circulaire de monsieur le préfet de police concernant les réunions chantantes appelées goguettes, avril 1820. On écoute Judith Fage et Max Weinsen. Écoute, mouchard, mon ami, je suis ton capitaine. Sois gai pour tromper l'ennemi et chante à perdre haleine. Tu sais que mon seigneur Anglès, la Faridondaine, a peur des couplets. Apprends qu'on en fait contre lui biribi sur la façon de barbarie, mon ami. Des goguettes à peu de frais, on échauffe la veine aux Apollons des cabarets, paye un broc de surène. Un aveugli chantant, faussant la Faridondaine d'un ton menaçant. On néglige l'air de Henri Biribi pour la façon de barbarie, mon ami. Sur Mirliton fait un rapport, la cour le trouve obscène, dénonce aussi Malbrouck est mort, à sa grâce il fait peine. Surtout transforme avec éclat la Faridondaine en crime d'État. Donnons des juges sans jury, biribi, à la façon de barbarie, mon ami. Biribi veut dire en latin l'âme de Sainte-Hélène. Barbarie, c'est, j'en suis certain, un peuple qu'on enchaîne. Mon ami, ce n'est pas le roi, et Faridondaine attaque la foi. Que dirait de mieux marchand Jibiribi sur la façon de barbarie, mon ami? Du préfet, ce sont les leçons, tu les suivras sans peine. Si l'on ne prend garde aux chansons, l'anarchie est certaine. Que le trône soit préservé de Faridondaine par le goth savé. Substituons l'ophilie biribi à la façon de barbarie, mon ami. Une chanson assez formidable dont il faut redire peut-être les paroles. Par exemple, celle-ci, Biribi veut dire en latin l'homme de Sainte-Hélène. Barbarie, c'est, j'en suis certain, un peuple qu'on enchaîne. Mon ami, ce n'est pas le roi. Et Faridondaine attaque la foi. C'est l'espèce d'imagination absolument folle des censeurs, en l'occurrence, qui est mise à l'œuvre dans cette chanson de Béranger, qui est très ironique. On aurait pu trouver cela sous la plume de quelqu'un qui critiquait la Stasi dans les grandes années où on essayait d'interpréter chacune des discussions entre des gens en RDA, par exemple. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, des gens sont dans ces goguettes et tentent de voir s'il y a quelque chose qui est contre le régime, c'est bien cela? Mais en l'occurrence, c'est un peu au deuxième degré, puisqu'il y a effectivement quelque chose dans les chansons, donc les censeurs sont pas complètement paranoïaques, ils n'ont pas tort de deviner Napoléon derrière Anacreon, mais en même temps, en effet, il y a des chansons inoffensives qu'ils pourchassent parce qu'ils voient partout des allusions. Et dans certains cas, surtout dans les sociétés de province, dans certains cas, c'est tout à fait inexact. Enfin, les sociétés de province ne cessent de protester de la neutralité de leurs propos chansonniers. Mais à Paris, c'était différent quand même. Périne. Oui, puis c'est impressionnant de voir aussi comme finalement, là, on voit dans la chanson « Écoute, Mouchard, mon ami », comme la société est aussi surveillée. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment, à un moment, une méfiance par rapport à la parole populaire, à son pouvoir. Sophie Anoterrier, puis Philippe Daruyola. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les goguettes et les cafés qui sont surveillés. Les théâtres le sont tout autant. Et d'ailleurs, les mêmes applications et les mêmes sous-entendus existent dans les théâtres, surtout ceux du Temple, enfin, ou les théâtres populaires, les théâtres de marionnettes, les endroits comme ça. Mais bien sûr que le peuple est surveillé, parce que le régime de la Restauration n'est quand même pas un régime qui a été accepté avec enthousiasme par la population, au-delà de la première année qui a salué quand même le retour de la paix, oui. Philippe Daruyola. Oui, non, deux remarques qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, Sofiane Latari a parfaitement raison. Ils ne sont pas si paranoïaques que ça, hein, les commissaires de police. Dans ces chansons, il y a beaucoup de critiques du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là poindre ce qui va être, justement, vis-à-vis de ces chansons, qui ont des modèles nationaux, on le voit bien là, la défense qui va être la défense durable des chansonniers face à un État policier, face à la police, on va dire. C'est de dire, ce n'est que des chansons, finalement. Donc, accepter une certaine dévalorisation de leurs paroles pour se permettre d'aller plus loin dans les attaques et obtenir une plus grande liberté. Mmh. Toutes les défenses seront organisées et ça va être durable sur cette tonalité. C'est que des chansons, on peut se permettre, on ne peut pas nous en vouloir, c'est que des chansons, c'est vraiment grave. C'est le plaidoyer, enfin plutôt le mea culpa de Gainsbourg sur la chanson n'est qu'un art mineur d'une certaine façon. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si les chansons de Gainsbourg ont fait évoluer les mœurs et les idées, exact. En l'occurrence. Et c'est un peu ça qu'il dit là. Tout ça, finalement, les chansons, et c'est fait toute leur défense. Et puis, deuxième remarque, juste pour dire, on voit l'importance des timbres là aussi. On parlait des timbres. On n'arrête pas de dire sur l'air 2, sur l'air 2, toutes les chansons auxquelles on est barbarie, etc., ce sont les timbres les plus utilisés de l'époque. Périne. Oui, puis ça montre bien aussi cette méfiance, à quel point la chanson circule, à quel point elle se répand très rapidement et souvent à quelle vitesse le moindre fait politique, le moindre fait divers, pratiquement dès le lendemain, parfois, il y a une chanson qui se diffuse, qui surgit. La goguette va jouer un rôle extrêmement important pour ça, hein, je crois. Et là, et dans ces années, puisqu'on est chronologiquement autour de Louis-Philippe, dans ces années qui précèdent justement l'avènement du roi bourgeois et pendant aussi la monarchie. Alors, de Louis-Philippe. 1820, les goguettes disparaissent. Elles réapparaissent en 1827. On essaie de les interdire, ça ne marche pas. Elles repartent en 1828, elles s'implantent. exponentielle en 1830. Alors, c'est sous la monarchie de Juillet. Et pourquoi ça se diffuse aussi énormément, ces goguettes? Parce qu'on vous vient de le dire, plusieurs centaines de réunions, plusieurs milliers de chansons originales créées. Mais qui c'est qui vient dans ces goguettes? Les chanteurs ambulants. Les chanteurs ambulants qui chantent au coin des rues et qui ont des vrais réseaux, qui parcourent tout le territoire français. Et là, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de SACEM. Si j'ose dire, ils font leur marché. Ils choisissent les chansons qu'ils préfèrent et ils partent dans les rues, ils vont les chanter de ci, de là, ils font imprimer un petit feuillet à un sou, c'est-à-dire très bon marché, et vendre les paroles de ces chansons qui vont ainsi pouvoir être diffusées du jour au lendemain, peut-être pas, on n'en est pas dansé, mais extrêmement rapidement, et qu'on peut retrouver, on trouve des chansons, comment dire, d'opposition, des chansons suivies par la police, on peut le retrouver vraiment, et alors ça, je pense à une chanson qui s'appelait Ulysse et Télémaque, Ulysse étant Napoléon et Télémaque l'aiglon, qui a été pourchassé par la police, qu'on retrouve sur tout le territoire français en une vitesse assez impressionnante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on revient au cas de Béranger avec vous, Sofiane Le Terrier, et à ce qui nous intéresse cette semaine, c'est-à-dire Louis-Philippe, c'est-à-dire que voilà un personnage qui apparaît par sa mort et, disons, sa montée en puissance par le régime donc de Napoléon III comme un bonapartiste. Vous nous expliquez que c'est un démocrate essentiellement, que c'est quelqu'un qui est un républicain, enfin, voilà. Mais qu'en même temps, il défend aussi le régime libéral. Donc, et donc, il est très ami pendant la période de la Restauration, entre 1820 et 1830, avec tous ceux qui vont devenir les ministres de Louis-Philippe. Alors ça, c'est très étrange, parce qu'en fait, ça rend le personnage beaucoup plus complexe que ce qu'on a en tête habituellement à son propos. Le personnage est complexe. Enfin, vous avez raison de dire que je le réhabilite en quelque sorte, puisque pour ma part, son engagement démocratique ne fait pas de doute. Et je pense que sa mort a été, entre guillemets, récupérée, effectivement, par le régime de Napoléon III. Après que ces chansons étaient surtout et circulaient surtout parmi les bonapartistes et qu'il ait été un ami des libéraux, c'est entre 1815 et 1830, c'est les mêmes. C'est-à-dire, le bonapartisme ne se distingue du libéralisme que plus tard, et notamment, effectivement, pendant la Révolution de 48, où là, c'est des groupes divers. Mais les bonapartistes, les libéraux, c'est ceux qui sont hostiles au retour de l'Ancien Régime. Mmh. Donc c'est plus simple que ça n'y paraît, en vérité, en tout cas en 1815. Et donc, il a autour de lui des Guizot, des Thiers. Il a qui autour de lui? Alors, des Thiers, bien entendu, puisque Thiers, lui, c'est quand même un militant, un fondateur de journal. Il connaissait personnellement Béranger. Il participe... Un caviste, ah oui. Il participe à des réunions communes. Quand on dit caviste, il participe au caveau. Au caveau, oui. Voilà. Ce n'est pas un marchand de vin, lui. Non, non. Oui. Mais il peut y avoir des... Guizot, en tant que ministre de Louis-Philippe, évidemment, c'est le ministre de Louis-Philippe majeur. Mais il a fait partie aussi de cette opposition libérale, il a fait partie des doctrinaires. Donc oui, ce sont des gens qui se connaissent personnellement sous la Restauration et qui visent le même but, mais pas par les mêmes moyens, puisque, par exemple, Guizot et Thiers utilisent surtout la presse et Béranger écrit en toutes lettres « La presse est esclave, il nous faut des chansons ». Donc lui, il a refusé d'être un publiciste qui écrivait régulièrement dans un journal, il a refusé les offres de la Minerve en cette matière. Il a vraiment choisi délibérément, comme le disait Philippe Darula à l'instant, une forme d'art mineur et une forme d'art populaire pour faire passer ses idées dans le peuple. Périne. Oui, et pourtant, vous le montrez bien dans votre livre, Sofiane Le Terrier, Béranger, il est repris par tout le monde, c'est-à-dire par à peu près tous les partis politiques, en fonction des chansons, en fonction des moments. Alors comment expliquer, malgré son engagement personnel, le fait que tout le monde récupère un peu Béranger quand même? Pas vraiment tout le monde, hein, parce que si vous prenez quand même les légitimistes et les royalistes les plus radicaux, ils détestaient Béranger. Si vous lisez les journaux comme Le Drapeau Blanc, ils calomnient d'ailleurs affreusement Béranger. Non, il n'était pas chanté par tout le monde, il était connu par tout le monde, il était redouté par une partie de ses adversaires politiques. Il était chanté par tout le monde, ben oui, dans la mesure où le peuple est quand même une catégorie qui, quantitativement majoritaire, on peut dire ça. Mais si on essaye de serrer les opinions, il y avait des gens qui préféraient en effet vivre Henri IV à la Farine-Andenne. Et alors qu'est-ce qui explique aussi qu'on ait gommé, vous disiez tout à l'heure, 10% de la production de Béranger environ, c'est une production politique, et il y a tout le reste, donc 90%, et qu'au bout du compte, ce reste de production, qui soit chanson d'amour, chanson à boire, etc., ait peut-être été moins célèbre plus tard que cette production politique, alors que sur le moment, c'était un créateur de, je vais encore faire un parallèle, un anachronisme absolu, mais de tubes d'une certaine façon. Donc ces tubes étaient des tubes de chansons à boire ou de chansons d'amour. Et pourtant, on n'a pas conservé cela dans la mémoire en général. Si, alors là, je me suis peut-être mal fait comprendre. Si, au contraire, et même une bonne partie des chansons non directement politiques, comme le grenier, comme le dieu des bonnes gens, étaient les plus connus de Béranger. Une bonne partie de ces chansons qu'il appelle morales, par exemple celles qui mettent en scène Lisette, Gothon, La Chatte, toutes ces chansons-là étaient extrêmement connues, appréciées, chantées. Il n'y avait pas que les chansons qui rappelaient les souvenirs de l'Empire et la gloire passée. Il y avait aussi des chansons qui étaient très amusantes et d'ailleurs qu'on a aussi essayé d'inclure sur le disque. Oui, parce que je n'ai pas rappelé que dans votre livre, il y a un disque avec les chansons donc, qui sont interprétées entre autres par Max Hoensen à la vielle, mais également un accordéoniste et puis Julie Fache qui les chante. Philippe Daruilla, dans ces goguettes dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, on mélange ces répertoires. Il y a à la fois ces chansons politiques et puis d'autres chansons. Il n'y a pas de spécificité particulière. Plus exactement, j'ai presque envie de dire que justement cet éclectisme est la spécificité, de ce type de réunion. Et peut-être une spécificité qui s'inscrit, c'est ce que, dans la durée, moi aussi je vais faire un anachronisme dans la chanson, c'est ce que je dis. Qui d'autre qu'un chansonnier comme Georges Brassens peut vous proposer un disque où on commence par une chanson, un poème de Lamartine mis en musique, et on finit par Fernande. Bon, cet éclectisme-là, personne d'autre peut faire ça. Je vois Périne qui déteste absolument Georges Brassens. À mort. Bon, ben là, on pourrait dire la même chose sur Brel, par exemple. Ouais. À mort. On peut dire ça pour Périne. En tout cas, c'est une parole. Cette parole chansonnière, cet éclectisme chansonnier, il naît dans les goguettes. Et on comprend bien pourquoi, parce que tout s'y fusionne. L'ouvrier, il vient. Il connaît quoi ? Il connaît souvent des chansons de compagnonnage, dans une société de compagnonnage. L'ancien soldat de l'Empire arrive, il a des chansons martiales. Enfin, on pourrait multiplier. Il y en a qui connaissent les chansons du caveau, qui vont faire des chansons grivoises. Il y en a d'autres migration récente, qui arrivent avec les chansons de Charivari, du village. Tout ça se mélange et fait, pas forcément se mélange, d'ailleurs ça peut s'additionner, et fait que toutes ces productions sont représentatives de ce qu'on entend dans les goguettes. Périne, qui n'aime pas Brassens, mais qui aime la goguette. Grave. Je sens que tout le monde va me haïr parce qu'on n'a pas le droit de détester Brassens. J'ai très peur maintenant. Bon. Je me demandais, vous parliez de grands mélanges, est-ce que c'est mixte ? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans ces goguettes ? C'est une des sociétés purement masculines dans le premier temps, 1818-1820. Ce sont des sociétés mixtes dans le second temps, 1828-1849, puisqu'elles disparaissent en 1849. Pour autant, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ? Non, il y a une majorité d'hommes. Il y a en plus le genre dicte, le type de production qui s'est accepté globalement, réservé aux femmes doivent interpréter des chansons d'amour ou des chansons de métier féminin, de couture, des choses comme ça. C'est-à-dire que les stéréotypes de genre sont respectés. Et les chansons paillardes sont réservées aux hommes. On fait aussi cependant ce qu'ils appelaient dans les goguettes des présidences de femmes. Elles n'aiment pas non plus les chansons paillardes. Elles n'aiment pas grand-chose. C'est dégueulasse. Je proteste. Donc, on va écouter justement une troisième interprétation par Judith Fage et Max Hoensen donc d'une chanson de Béranger qu'on trouve dans le disque qui accompagne votre livre, Sofiane Terrier, Béranger, des chansons pour un peuple citoyen. Cette chanson s'intitule Les Vendanges. Vous nous la présentez brièvement ? Alors, c'est aussi une chanson qui réfère aux années terribles de 1814 et 1815, puisque la mauvaise récolte, c'est ces années-là. Mais c'est aussi une chanson qui invite à dépasser les clivages au profit d'une union nationale. Donc vous allez l'entendre. L'aurore annonce un jour serein, vite à l'ouvrage et reprenons courage, fillettes, flûtes et tambourins, mettez les vendangeurs en train, du vin café tournez l'orage, un vin nouveau bientôt consolera, amis chez nous la gaieté renaîtra, la gaieté renaîtra. Notre mère tourne à tout vent, d'écharpe il change et de tout vin s'arrange, mais puisqu'ainsi ce bon vivant de couleur changea si souvent, qu'avec son écharpe il vendange, et de vin doux on la barbouillera, Amis chez nous, la gaieté renaîtra. Ah, ah, la gaieté renaîtra. Beau pays fertile et guerrier, à la souffrance oppose l'espérance. Au pampre tu peux marier, olivier, pie, rose et laurier. Vendangeons et vive la France. Le monde un jour avec nous trinquera. Le monde un jour avec nous trinquera. Le monde avec nous trinquera. Merci donc à vous Judith Fage et Max Swensen pour ce troisième titre, donc Les Vendanges. Et là, effectivement, pour tous ceux qui regrettent un pays donc, qui serait uni autour de ses productions, on en entend quelques échos parfois dans l'actualité. Donc le beau pays fertile et guerrier à la souffrance oppose l'espérance, aux pampres tu peux marier, olives, épis, roses et lauriers. Donc la diversité qui fait ce beau pays de France, comme disent beaucoup Sofiane Le Terrier. Là, c'est une chanson d'union, vous l'avez dit. Ben oui, enfin là, on en a entendu que trois couplets, mais les autres couplets qu'on n'a pas entendus s'adressent à différents personnages de la communauté villageoise et les invitent à rejoindre le cœur des buveurs et des travailleurs, hein, puisqu'il s'agit des vendanges, c'est tout à fait de circonstance. Et c'est en effet une chanson d'union nationale, y compris donc adressée aux seigneurs du village, aux juges, donc à des gens qui ne sont pas forcément très bien intégrés spontanément. Philippe Dariola, ça veut dire qu'il n'y a pas que des chansons de dissensus. Il y a aussi quelquefois des chansons qui tentent de faire l'union à certains moments de l'histoire. Comment ça se passe exactement ? Alors, sur le fond, c'est peut-être un peu compliqué, parce que toujours quand quelqu'un appelle à l'union, c'est toujours à l'union derrière son opinion. Voilà, ça, c'est vrai. Et c'est le cas aussi ici un peu. Donc, vous avez fait vous-même un peu de politique, vous savez ce qu'il en est. Bon, donc il faut peut-être relativiser. Mais il y a la dissension qui est majeure dans la chanson, qui va se développer, la chanson de Béranger, mais plutôt de ses suiveurs et dans les goguettes, c'est plutôt une dissension sociale. Ça va être le stéréotype qui va être d'un monde divisé en deux, une immense majorité les possédants, les possédants égoïstes, oisifs, improductifs. On retrouve d'ailleurs là-dedans très souvent des thèmes saint-simoniens, hein, l'histoire de l'abeille et du bourdon, qui est souvent décliné dans ses chansons. Et de l'autre côté, un peuple toujours honnête, toujours travailleur, toujours gai, ou alors souffrant et appelant à retrouver la gaieté par la révolte. C'est donc plutôt une dissension sociale, une fracture sociale qu'une fracture idéologique et partisane au sens traditionnel. On la trouve aussi, bien évidemment, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la fracture majeure, c'est la fracture sociale. Si j'ose employer ce terme, lui aussi fera l'anachronisme. On a fait beaucoup d'anachronismes, mais peut-être pour mieux faire comprendre ce qu'étaient les différences, en l'occurrence. Sofiane Le Terrier, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre ressort, peut-être, à cette mise à la retraite anticipée, pourrait-on dire, de Béranger sous Louis-Philippe? Donc, il appelle de ses voeux un régime libéral. Ce régime libéral advient. Il est très hué par d'autres libéraux qui considèrent qu'il ne l'est pas assez libéral, en l'occurrence. Mais vous pointez du doigt dans votre livre quelque chose d'intéressant, c'est la question de la stylistique. Vous nous dites, en fait, ce régime libéral, c'est aussi l'apogée du romantisme. Or, Béranger, c'est un homme du 18e, vous nous l'avez dit, c'est un homme du classicisme français, et ce romantisme ne lui plaît pas du tout, et d'une certaine façon, il va lui-même se mettre en retrait, voyant qu'au bout du compte, la mode passe à autre chose, ou du moins, il est peut-être moins son art est peut-être moins apprécié que cet art des nouveaux qui arrivent, les Victor Hugo et les autres, autour de la question romantique. Est-ce qu'il y a quelque chose de cela ? Lui, il explique très bien que c'est aussi un changement générationnel. C'est-à-dire, c'est pas qu'il soit moins apprécié, c'est que d'autres plus ambitieux prennent la place. Et comme lui, ce qu'il voulait avec ses chansons, c'était préparer l'avènement d'un régime plus démocratique. Il estime que quelque part, son rôle est fini et que voilà, il peut rentrer dans une retraite tranquille. Et d'ailleurs, il est un peu statufié de son vivant, puisque comme je le raconte aussi dans le livre, à partir de 1830, il devient lui-même un personnage de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pièces de théâtre qui le mettent en scène, lui, sa Lisette et les personnages de ses chansons. Et voilà, il reste attaché à la production de sa jeunesse. Et finalement, d'ailleurs, quand il produit un peu de chansons, puisqu'il y a quand même un recueil sous la Monarchie de Juillet, ces recueils sont effectivement moins intéressants. Mmh. Non seulement c'est vu comme ça sur le moment, mais objectivement, a posteriori, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux. Ce qu'il a écrit de mieux, c'est effectivement, à part quelques chansons sociales, justement très très fortes, comme Le Vieux Vagabond, mais c'est plutôt les chansons de la Restauration. Ça dure combien de temps une chanson? Parce qu'aujourd'hui, on sait combien ces chansons sont brèves et leur succès généralement ne dépasse pas quelques semaines, voire quelques mois. Mais ça dure combien de temps une chanson au 19e siècle dans cette période-là? C'est très difficile de vous répondre d'une façon générale. Puisque vous avez travaillé sur cette diffusion, c'est-à-dire que cette diffusion, on peut retrouver en 1880 des gens qui chantent encore du Béranger, par exemple. On en retrouve d'autant plus qu'il y a à ce moment-là une volonté de le remettre en scène, de le statuifier là au sens propre. Hein, c'est à ce moment-là qu'on érige une statue à Paris vers le square du Temple. Donc il y a des cafés-concerts qui font des séances rétrospectives où on chante du Béranger, où on chante aussi du Comme Nadeau. On chanterait du Bruant aujourd'hui. Exactement, quoi. C'est tout à fait le même principe, mais c'est plus la même chose. C'est-à-dire là, les interprètes les apprennent à partir des textes imprimés, ils les connaissent pas forcément dans leur culture propre. Oui, une parenthèse personnelle, moi, j'ai un souvenir de petite enfance, une grand-mère. Alors c'était pas Béranger, c'était Pierre Dupont qui chantait Pierre Dupont, un chansonnier de la 1848, des années 1840, et du Second Empire, qui est très connu pour son chant des ouvriers, qui est un chant social et politique très engagé de 48, qui était très proche de Baudelaire. Baudelaire a introduit ses chants et chansons. Alors bon, on pourrait en parler sur pourquoi, mais globalement, justement, et j'y reviens à votre première question, peut-être aussi parce que Baudelaire voyait justement dans une chanson sociale comme celle de Dupont une façon de se poser la question de l'après-romantisme. Et sur ces résistances et cette opposition au romantisme, si je revais, là je suis dans les années 1850, si je retourne dans les années 1820, l'antiromantisme, c'est là clairement, je crois, on peut le dire, le caveau. Le caveau dont on a parlé, cette société chantante, c'est l'opposition, c'est l'esprit français contre le romantisme qui est accusé d'être un esprit cosmopolite, notamment. Et c'est une opposition très franche avec cet esprit grivois qui se construit au caveau, très consciente, très formalisée au romantisme qui est en train de se développer. Une dernière question, Périne. Et comment ça se traduit justement dans les foyers? C'est-à-dire qu'il y a une tradition aussi, on sait, des chansons de banquet, des chansons qu'on chante au dessert. Et comment justement tous ces clivages se traduisent aussi dans la chanson qu'on chante comme ça dans l'intimité de la famille ou de la fête familiale? Ils ne se traduisent pas tellement, en fait. Tout ça coexiste. C'est-à-dire, voilà, chacun chante les chansons qu'il aime. Donc, il y en a qui chantent des romances ou des chansons sur des poèmes romantiques. Et puis, il y en a qui chantent des chansons paillardes. C'est ce que je montre aussi, puisqu'il y a un passage vraiment très intéressant des mémoires de Lavis qui raconte ça, où il parle d'un dîner de famille où chacun chante à son tour vraiment une variété énorme de chansons. Mais en même temps, les unes étant plus chantées par les dames, les autres par les vieux, les autres par les militaires, etc. Il y en a pour tout le monde, quoi. Merci à tous les deux. Un dernier mot, Philippe Dariula. Pourquoi autant vos deux livres sortent quasiment en même temps, à une année près, en l'occurrence? On sent qu'il y a un intérêt pour cette question-là aujourd'hui. Vous l'interprétez comment? Objet mort et définitivement rentré dans les livres d'histoire, travail pour l'historien pour faire le pont avec aujourd'hui, très brièvement. Très brièvement, je crois que c'est la conjonction de plusieurs choses. D'abord, pour les historiens, l'intérêt sur tout ce qui est du domaine de l'histoire culturelle et son influence sur l'histoire politique, je pense que c'est ça qui est dominant. Et que c'est, par exemple, en ce qui me concerne, aussi une moyen d'approcher par une porte culturelle, par une approche culturelle, la question de la politisation des populations dans les sociétés prédémocratiques. Même chose, très brièvement, Marianne Le Terrier. Eh bien, c'est très gentil de m'appeler Marianne. Sofiane, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai tenu jusqu'au bout. Mais voilà, vous me tendez la perche, puisque moi, c'est normal que quelque part je sois revenue à l'infusion de la démocratie par la chanson, puisque mes études ont commencé sous l'égide de Maurice Aguilon. Voilà. Effectivement, il y a quand même une continuité. Merci, vous pouvez lire et vous avez tout intérêt à lire les deux livres de donc Sofiane Le Terrier chez Béranger, c'est aux Presses universitaires du Rennes, et Philippe Dariula, La Muse du Peuple, c'est aussi aux Presses universitaires de Rennes, et vous trouverez dans le livre de Béranger, donc de Sofiane Le Terrier, le disque des œuvres donc de Judith Fage et de Maxou Hensen, et entre autres, merci à tous les deux d'avoir voulu nous accompagner ici, donc dans le studio 108 pour cette émission du mercredi. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric et Vincent René et Renaud Dalmar à la réalisation. Et demain, nous terminerons sur Louis-Philippe lui-même. Qu'était ce régime? Que voulait-il? C'est ce dont nous débattrons dans le débat du jeudi.